Chacun estime que le XXe siècle est le siècle qui consomme le divorce définitif entre les humanités et les sciences. Que les grands savants à la pensée holistique des Lumières deviennent de grands spécialistes dans des champs de recherche de plus en plus étroits, qu'ils en deviennent complexes. Et pourtant, c'est à cette période qui voit naître les deux grandes révolutions de la physique, que sont la relativité générale et la mécanique quantique, qu'évolue, pense, écrit et théorise Gaston Bachelard, scientifique, philosophe, épistémologue et historien, un esprit brillant, auteur de la formation de l'esprit scientifique qui va formaliser l'exercice de la science comme une pensée contre l'opinion, contre son cerveau et contre soi. Gaston Bachelard, la philosophie de l'obstacle, c'est le programme accidenté qui va nous occuper dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour évoquer eh bien ce parcours intellectuel, cette œuvre et l'héritage évidemment bachelardien, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui en duplex depuis les studios de Radio France à Lyon, Daniel Parocchia, bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe, épistémologue, professeur honoraire à l'université de Lyon 3 et nous sommes ici en studio à Paris, à la Maison de la Radio avec Michel Bidbol, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur en philosophie des sciences, directeur de recherche CNRS aux archives Husserl de l'École Normale Supérieure. Vous pouvez nous suivre comme chaque jour en parallèle sur notre fil Twitter pour avoir un certain nombre de liens d'archives également, archives qui vont débuter cette émission. Écoutez la voix de Gaston Bachelard. Sous prétexte que les problèmes moraux ne suivent pas les progrès scientifiques, on n'hésite pas à dire que la science a fait faillite. Heureusement, les savants ne sont pas atteints par ce pessimisme. On peut dire en effet qu'un ordre nouveau de merveilleux vient d'apparaître depuis 2 siècles et que ce nouveau merveilleux scientifique anime aussi bien la recherche expérimentale que la recherche théorique. Précisément, une merveilleuse coordination des mathématiques et de l'expérience physique multiplie à la fois les progrès de la pensée et les progrès de l'action humaine. Il semble que nous entrions dans l'ère des génies. La relativité d'Einstein, l'atomistique de Bohr, la physique quantique de Heisenberg, la mécanique ondulatoire de Louis de Broglie, les conceptions nouvelles de Dirac et, d'un autre côté, les travaux expérimentaux sur la molécule, l'atome, le noyau sont autant de pensées merveilleuses. Voilà ce nouveau merveilleux scientifique, hein, l'ère des génies, décrite par Gaston Bachelard en 1947 dans l'émission L'heure de la culture française sur la radiodiffusion française. Que vous inspire Daniel Parocchia, cette archive, cet extrait de la voix de Gaston Bachelard? Oui, je crois que ça correspond tout à fait à la vision qu'il a pu développer de la science. On sent d'ailleurs un certain enthousiasme, enfin qui aujourd'hui date un peu parce que on a complètement changé de monde. Mais enfin, il notait déjà à l'époque, je le remarque, que un certain nombre d'esprits étaient pessimistes et avaient tendance à dénigrer les sciences déjà. Il les a défendus et il les a particulièrement bien défendus en les décrivant d'abord de façon précise et beaucoup plus précise à mon avis qu'on ne l'avait fait jusque-là, y compris les auteurs qui, je dirais, auxquels il a succédé, enfin qui étaient dans le contexte de cette époque-là. Hein, je pense à Abel Ray, dont il a pris la succession à l'Institut d'Histoire des Sciences. On peut penser à Léon Brunschvicg, avec lequel il a fait sa thèse, et qui était beaucoup plus mathématicien, enfin disons philosophe des mathématiques. Et Bachelard, au fur et à mesure d'ailleurs que l'histoire s'est développée, enfin que le temps a passé, s'est de plus en plus intéressé à la physique, alors que Je dirais au départ, il était plutôt mathématicien, puisqu'il avait fait une licence de mathématiques, qu'il avait passé en 1912, et qui l'a porté au départ, étant donné qu'il a commencé par réfléchir sur la théorie de la relativité, vers une science plutôt théorique, parce que en 1929, la théorie de la relativité, elle était très peu vérifiée expérimentalement. Il y avait la question du périhélie de Mercure, mais il n'y avait pas de vérification expérimentale comme il y a eu à partir des années 60-70, où on a embarqué des horloges atomiques sur des avions. Enfin, on a mesuré, évidemment, les écarts temporels, etc. Mais à cette époque-là, c'était une science assez théorique, et il avait été fasciné par la puissance organisationnelle des mathématiques. Et puis est arrivée, la physique quantique et surtout la physique des particules qui a produit, entre 1911 et 1947, 1950, enfin qui est à peu près la période où il va s'arrêter de faire de l'épistémologie. Je crois que le matérialisme rationnel doit dater de 1953. Entre 1911 et 1953, on va voir apparaître tout un tas de particules nouvelles vont forcer Bachelard à revoir sa copie, si je puis dire, parce que l'expérience va prendre de plus en plus d'importance. Le proton, le neutron, le positron, le méson, le muon, etc. Chaque fois, on va avoir une avancée expérimentale qui va obliger à réformer la théorie. Et Bachelard vit ce monde de réforme, presque de révolution permanente, ce qui va influencer beaucoup son épistémologie. Elle va l'orienter vers une épistémologie de la rupture et des révolutions scientifiques plutôt que vers une épistémologie, de l'identité ou de la conservation comme pouvait l'être celle de Meyerson. Vous venez de faire un magnifique finalement programme ou sommaire de ce que va être cette émission. Merci beaucoup Daniel Parolier, parce que ce sont tous ces points sur lesquels on va revenir au cours de cette heure. Je précise par ailleurs pour nos auditeurs que évidemment on va se concentrer ici dans la méthode scientifique sur ce parcours philosophe des sciences, d'épistémologue de Gaston Bachelard. Pour tout le reste, parce que c'est une carrière extrêmement dense, extrêmement touffue, je vous renvoie à la série qui avait consacré ma camarade Aden Von Rett dans les chemins de la philosophie. On va vous mettre le lien d'ailleurs sur le fil Twitter de l'émission. J'aimerais peut-être un mot de Michel Bitbol, puisqu'on entendait dans cette archive ce que Bachelard appelle l'ère des génies, parce que c'est peut-être la première fascination qu'exerce Bachelard sur ses lecteurs, c'est de se dire comment cet esprit de la fin du 19e siècle, ce philosophe, a réussi à appréhender ce bouleversement paradigmatique qui a été celui de la physique du début du 20e siècle. Il l'a très bien appréhendé d'ailleurs, parce que vous avez entendu qu'il a dit quelque chose d'extrêmement particulier, qui n'est peut-être pas immédiatement notable par un auditeur non averti. Il a dit « Ce qui m'émerveille, c'est la coordination des mathématiques avec l'expérimentation physique. » Il n'a pas dit la coordination des mathématiques avec une sorte de réalité en soi, disons représentée, etc. Il a parlé de l'expérimentation physique. Il n'a pas parlé non plus, vous savez, de la miraculeuse efficacité des mathématiques. Il n'y a pas de miracle ici. Il n'y a pas de miracle. Pourquoi ? Parce que les mathématiques sont déjà inscrites dans la structure même des appareils, dans la structure donc de l'expérimentation. Et par conséquent, la coordination des deux devient parfaitement explicable. Ce que dit Bachelard à plusieurs reprises, c'est que le phénomène qu'on observe n'est pas un phénomène déjà tout donné dans la nature, quelque chose qu'on n'aurait qu'à cueillir en quelque sorte à l'extérieur de nous. Le phénomène, dit-il, et je vous le cite, il faut qu'il soit trié, filtré, épuré, coulé dans le moule des instruments, produit sur le plan des instruments. Donc le phénomène est construit, il est fabriqué. La raison qui est à la base, si vous voulez, de la construction des mathématiques, est aussi à la base de la construction des instruments. Et les instruments donnent forme au phénomène. Encore une fois, rien d'étonnant qu'il y ait, enfin en tout cas beaucoup moins d'étonnement, qu'il y ait une coordination entre le produit expérimental des instruments et le produit direct, symbolique de la raison. Peut-être peut-on dire en quelques mots rapidement, parce que pour se concentrer évidemment sur la production théorique de Bachelard, mais parce que tout de même cette production théorique, Daniel Parocchia, on peut trouver dans la biographie, notamment dans la formation de Bachelard, c'est une production théorique qui va arriver sur le tard. Bachelard va passer du temps, va commencer finalement ses grandes productions théoriques pas avant l'âge de 40 ans. Peut-être pouvez-vous nous donner quelques jalons justement de ce qu'est la vie, la formation de Gaston Bachelard depuis son enfance bien jusqu'à ses premières chairs. Alors, bon, c'est un homme qui naît en 1884, donc il mourra en 1962. Donc en 1884, c'est la fin du 19e siècle. Il naît dans une famille très modeste, hein, c'est un fils d'artisan cordonnier. Et après ses études secondaires, il mène quand même des études secondaires, ce qui est assez remarquable à l'époque dans cette classe sociale, il entre au poste et télégraphe et il va essayer de s'élever dans cette fonction. Simplement, il va échouer à un concours qui sélectionne des ingénieurs des postes et télégraphes, mais qui n'offre, je crois, que deux postes, et il arrive troisième, ou qu'un poste et il arrive second. Enfin, et il arrive troisième. Oui, c'est ça. Il en profite pour passer une licence de mathématiques. On est en 1912 à l'époque. Après quoi, il est mobilisé en 1914. Il fait d'ailleurs une guerre remarquable. Il va être décoré, la Croix de guerre, etc. Il fait quasiment toute la Première Guerre mondiale. Il reste très très longtemps au front, 38 mois. Il reste 38 mois au front sur la durée de la guerre, ce qui est évidemment très très très épuisant. Et puis par la suite, donc entre 1919 et 1930, il va enseigner la physique et la chimie au collège de sa ville natale, Bar-sur-Aube, dans l'est de la France, en rencontrant des difficultés existentielles, parce que sa femme meurt en 1920. D'une affection pulmonaire. Il doit élever seul sa fille Suzanne et il va donc rester dans l'enseignement secondaire en enseignant justement les sciences, essentiellement la physique et la chimie, ce qui va donner aussi une orientation pédagogique particulière à son épistémologie, car il sera toujours soucieux convaincre, les gens qui découvrent les sciences du bien fondé de ces sciences, et il verra évidemment les difficultés qu'on a à pouvoir acquérir la maîtrise du discours scientifique, d'où évidemment la réflexion sur les obstacles épistémologiques qui va être centrale dans l'ouvrage de 1937, La formation de l'esprit scientifique. Il faut citer aussi ici le travail de Vincent Bontemps, notamment son ouvrage Bachelard, hein, qui est un ouvrage assez important, et qui dit, Vincent Bontemps, il insiste, hein, il dit: on ne redira jamais assez que Bachelard a d'abord une très solide formation de mathématicien, de physicien et de chimiste. Bachelard, avant d'entamer la philosophie, pour des raisons que vous allez nous détailler, Daniel Parocchia, est effectivement solidement formé à la science de son époque. Oui, pour les raisons qui étaient son projet initial, c'est-à-dire essayer de devenir ingénieur des postes et télégraphes. Mais alors du coup, cette formation scientifique va beaucoup lui servir pour comprendre ce qu'est la science de son temps, et je dirais au-delà, la raison humaine, enfin la rationalité, dont il voit très bien qu'elle est en train de changer, hein, à travers toute l'évolution des sciences au XIXe siècle, et puis surtout donc au début du XXe siècle, la période qu'il est en train de vivre, il se rend compte que les grands rationalismes classiques sont désormais morts. Plus personne ne croit en une raison anhistorique de type cartésien, ni même kantien d'ailleurs. Et l'un de ces projets fabuleux sur le plan philosophique, ça va être d'ouvrir le kantisme de telle manière qu'il puisse s'adapter justement à ces modifications expérimentales qu'il appelle des transcendances expérimentales et qui vont finalement, je dirais, rogner au sens des rognures, c'est-à-dire de modifications, modifier les intuitions initiales, faire évoluer, affiner les concepts. Et les soumettre à un certain nombre de dialectiques qui sont appelées par l'expérimentation. Et comment passe-t-il justement de cette carrière de professeur de physique-chimie qui va délaisser hein, pour des raisons justement de manque de moyens expérimentaux, il va basculer vers l'enseignement de la philosophie. Comment est-ce que cette articulation se produit pour l'amener justement à sa carrière et à ses premiers grands écrits de philosophie scientifique? Alors ça, honnêtement, j'ignore le détail de ce qui l'a incité à basculer vers la philosophie. Sans doute qu'il avait un certain nombre d'intérêts de ce côté-là qui ont peut-être été potentialisés par le drame existentiel qu'il a connu. Encore que la philosophie qu'il va développer, en tout cas dans un premier temps, va pas être une philosophie existentielle. Ça va être tout simplement une philosophie des sciences. Mais le fait est que, si vous voulez, en l'espace de deux années, hein, deux ou trois ans, il va se retrouver agrégé de philosophie, puisque il enseigne d'abord la physique et la chimie, à partir de 1919, mais en 1920 il est licencié en philosophie, et en 1922 il réussit l'agrégation, c'est-à-dire qu'il fait en l'espace de deux ou trois ans ce que d'aucuns n'arrivent pas à faire en cinq ou six. Et il va soutenir deux thèses en épistémologie en 1927 à 43 ans sous les directions des gens que vous citiez tout à l'heure, c'est-à-dire Abel Ray et Léon Brunswick. Oui, alors ça, les deux thèses, c'est normal à l'époque. Si vous voulez, on fait une thèse principale qui est, en l'occurrence, l'essai sur la connaissance approchée, où il essaye, dans la voie de Léon Brunswick et d'une espèce de continuisme historique, de montrer comment, petit à petit, les concepts, en s'affinant, en se déterminant davantage, enfin, permettent d'approcher de plus en plus une réalité qui sans doute n'est jamais fixé, mais qu'on peut imaginer à l'horizon de la recherche. Bon, et dans sa thèse complémentaire, alors qui est beaucoup plus technique et très très intéressante, étude sur la propagation thermique dans les solides, il fait peut-être la première épistémologie de la théorie de la chaleur et de la thermodynamique naissante, avec notamment un commentaire de Fourier qui est tout à fait fabuleux, en mettant l'accent évidemment sur la transformée de Fourier, qui est un véritable bijou mathématique qui sert aujourd'hui encore à peu près partout, qu'il s'agisse de classification, d'astrophysique, etc. Enfin, c'est un monument de la science. Et donc, ces deux thèses sont soutenues en 1927, et il va devenir professeur à la faculté de Dijon, avant d'être nommé ensuite à la Sorbonne, où de 1940 à 1954, je crois, il est le titulaire de la chaire d'histoire et de philosophie des sciences, tout en dirigeant l'Institut d'histoire des sciences et des techniques. Michel Bidbol. À propos de ce que vous avez dit, Daniel Parocchia, c'est-à-dire sa thèse sur la propagation thermique dans les solides, je voudrais ajouter que l'introduction de ce remarquable ouvrage porte sur la mesure de la température et surtout la définition de la température à partir des mille et une façons de la mesurer. Et pour Bachelard, ce point est absolument crucial parce que ça lui donne une illustration parfaite de l'idée de l'obstacle épistémologique. finalement, on part d'une notion de la température qui est purement sensible. Et progressivement, Bachelard montre comment au XVIIIe puis au XIXe siècle, on a épuré cette notion jusqu'à l'inclure dans la définition même des instruments, c'est-à-dire des thermomètres. Et je trouve que là, véritablement, on a un échantillon, mais un échantillon en acte, à mon avis encore plus compréhensible que ses propositions générales sur ce point, une illustration en acte de l'idée selon laquelle, pour connaître... Sur le plan scientifique, il faut surmonter des connaissances antérieures, déjà présentes, mais qui, en vérité, sont confuses. Et on va revenir évidemment sur cette notion d'obstacle épistémologique qui est centrale. Oui, Daniel Parroquet, allez-y. Oui, dans ce que dit Michel Bitbol, il y a aussi cette idée que les instruments scientifiques, y compris des instruments de mesure comme le thermomètre, ne sont pas simplement de simples prolongations des sens. Qui laisserait au fond la connaissance au niveau purement phénoménal, comme le disait tout à l'heure aussi très bien Michel Bitbol, les instruments scientifiques pour Bachelard sont des théories réifiées, hein. C'est-à-dire qu'il y a de la raison aussi dedans, et donc ça sera d'ailleurs pour lui philosophiquement un motif de poursuivre le kantisme au-delà de ses interdits, puisque Kant suppose que on ne connaît que les phénomènes, pas les choses en soi, ce qui au fond correspond à une impuissance de la science de l'époque, hein, qui ne pénètre pas dans les corps, hein. On ne connaît aucune des forces fondamentales interaction faible ou forte, ou même interaction électromagnétique. On connaît que la gravitation à l'époque. Bon, donc au-delà des phénomènes, on ne sait pas ce qu'est la chose. Ça peut être une motivation de la raison pour laquelle ça reste un objet égal X pour Kant. Hein. Mais à partir du moment où on a des instruments qui vont inclure en eux-mêmes de la théorie, c'est-à-dire de la pensée. Ce qu'on voit de l'expérience, c'est pas simplement ce que nos sens nous donnent à voir, c'est aussi ce que notre pensée nous permet de comprendre. Donc il y a pour Bachelard alors une phénoménotechnique due à cette existence des instruments, mais au-delà une nouménotechnique, c'est-à-dire qu'on va quand appelait noumen l'idée d'une chose en soi si elle existait, bon pour lui c'était une idée négative puisque la chose en soi n'existait pas, mais pour Bachelard il y a une nouménotechnique, c'est-à-dire que on a au fond un noumen évidemment relatif aux instruments de mesure, c'est-à-dire ça donne pas le réel en soi, hein, mais ça donne une sorte de trajectoire de réalité. Voilà ce que je crois comprendre de ce que Bachelard dit. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h23, nous parlons de Gaston Bachelard, de sa philosophie des sciences et de son épistémologie. Nous en parlons avec Daniel Parroquia, qui est avec nous en duplex depuis les studios de Radio France à Lyon, avec Michel Bitbol ici à la Maison de la Radio. Alors, j'aimerais vous faire entendre à l'un et à l'autre une autre archive. Vous entendiez tout à l'heure la voix de Gaston Bachelard. Ce n'est pas sa voix cette fois-ci, c'est la voix d'un autre philosophe, celle de Michel Foucault, qui résume une certaine complexion de l'esprit de Bachelard à laquelle j'aimerais vous faire réagir. Écoutez. Bachelard, il sait se déprendre de tout cet ensemble de valeurs, et il sait s'en déprendre uniquement en lisant tout. En lisant tout et en faisant jouer, en quelque sorte, tout contre tout. Il me fait penser, si vous voulez, à ces joueurs d'échecs habiles qui arrivent à prendre les grosses pièces avec des petits pions. Bachelard, il n'hésite pas à opposer à Descartes, eh bien, un philosophe mineur ou un savant, ma foi, un peu imparfait ou fantaisiste du XVIIIe siècle. Il n'hésite pas à mettre dans la même analyse les plus grands poètes et puis un petit poète mineur qu'il aura découvert comme ça au hasard d'un bouquiniste. Et faisant cela, il ne s'agit pas du tout pour lui de reconstituer, si vous voulez, la grande culture globale qui est celle de l'Occident ou de l'Europe ou de la France. Il ne s'agit pas de montrer que c'est toujours le même grand esprit qui vit et fourmille partout, qui se retrouve le même. J'ai l'impression, au contraire, qu'il essaie de piéger sa propre culture avec ses interstices, ses déviances, ses phénomènes mineurs, ces petits couacs, ces fausses notes qu'on peut trouver. Piéger sa propre culture avec ses fausses notes, je trouve que c'est un très beau résumé de la pensée bachelardienne. Qu'en pensez-vous, Michel Bitbol ? Écoutez, effectivement, Bachelard donne de très beaux exemples de cette attitude qui consiste à mettre les doctrines les unes contre les autres et à travers véritablement une résonance. Je pense par exemple à ce qu'il dit sur le soi-disant positivisme de Werner Heisenberg. Il dit que non, Werner Heisenberg ne peut pas être classé comme purement réaliste, ça on le sait, mais pas non plus comme positiviste. Et pourquoi ? Parce que pour Werner Heisenberg, il ne faut pas faire seulement intervenir l'expérience réelle, l'expérience qui a donné un résultat manifeste dans un laboratoire que chacun peut constater, mais ce qui est très important pour Heisenberg, c'est de faire valoir aussi les expériences possibles. Et donc, ce possible va au-delà de l'actuel. Et à travers une construction qui inclut de l'actuel et du possible, quelque chose de neuf peut émerger. Quelque chose de neuf, c'est précisément la structure de la théorie quantique, selon Heisenberg. Donc, pour Gaston Bachelard, si vous voulez, toutes les catégorisations habituelles des chercheurs où on veut absolument les positionner, les ranger et même au fond les oublier, eh bien, ne sont pas adéquates. Il faut faire jouer quelque chose de plus. Alors, ce qui est très important, alors là, vous voyez à la fois cette créativité dans la classification des penseurs et des chercheurs, et vous voyez aussi l'importance pour lui, encore une fois, de l'expérimentation. Dans tous les cas, qu'on soit dans l'expérience actuelle ou dans l'expérience possible, on est toujours dans l'expérimentation. On parlait tout à l'heure du noumen. Mm-hmm. Le noumen, c'est-à-dire, c'est au fond ce qu'on conçoit du monde à partir du nous, c'est-à-dire en grec l'intellect, l'intelligence. Eh bien, ce qu'on conçoit du monde à partir de l'intelligence, pour Kant, c'était une chose en soi. Mais pour Bachelard, le noumen, ce n'est pas une chose en soi. C'est, je le cite, un outil de pensée pour la transformation des phénomènes. C'est-à-dire le noumen, cette pensée, c'est la pensée qui nous guide à la fois dans la confection des expériences réelles et dans la conception des expériences possibles. Vous savez d'ailleurs, juste un aparté, que le rôle des expériences de pensée dans la création de la théorie quantique et dans la discussion de son interprétation est absolument capital. Tout repose sur les expériences de pensée et pratiquement rien sur la description très hypothétique de ce qui pourrait se passer par-delà l'expérience. Daniel Parocchia, sur cette est-ce que vous pensez comme Foucault que Bachelard est un joueur d'échecs habile ? Alors je pense que Michel Foucault se retrouve chez Bachelard pour deux raisons. D'abord, il apprécie les ruptures parce que pour Foucault, l'histoire de la pensée est une série discontinue de ce qu'il appelle des épistémes, c'est-à-dire des conditions de possibilité de penser à une certaine époque. Mais on passe d'une époque à une autre par une discontinuité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lien. On change complètement l'organisation des conditions de possibilité de penser, le rapport au langage, etc. Quand on passe de l'Antiquité à la Renaissance, de la Renaissance à l'âge classique, de l'âge classique au XIXe, etc. Donc ça, il se reconnaît là, et il se reconnaît dans cette espèce d'érudition de Bachelard qui est qui est aussi, d'une certaine façon, celle de Foucault. Foucault, dans Les mots et les choses en particulier, manifeste une érudition considérable. C'est-à-dire, au lieu de se cantonner à écrire une histoire des idées à partir des grandes figures de l'esprit, non, il va ouvrir des scientifiques, des inconnus, des économistes, des taxinomistes, etc. Et là, dans un ouvrage comme La formation de l'esprit scientifique, par exemple, dont on parlera peut-être dans un moment, Bachelard, lui aussi, fait appel non pas à des scientifiques très très connu souvent, mais comme c'est un bêtisier, puisque il raconte un certain nombre d'impasses de la pensée scientifique, d'erreurs, puisque pour lui l'erreur est première, on commence par se tromper, il faut toujours rectifier les intuitions premières, remplacer l'immédiat par du construit. Donc il évoque un certain nombre d'auteurs du 18e en particulier, qui peuvent être des pères jésuites, des alchimistes ou de faux chimistes, qui racontent des sottises sur la pierre de Bologne la poudre ou les explosions au cours d'un orage, etc. Donc là, je pense qu'il a, il se retrouve en partie là-dedans. Et s'il est un héritier de Bachelard, c'est surtout à travers l'idée de rupture. Mais je pense que Bachelard était un rationaliste, certes ouvert. Il est tout le contraire d'un réaliste, puisque le réalisme, pour lui, c'est une naïveté. Enfin, c'est à la limite, c'est une tare psychologique, parce que le réaliste est un avare qui s'ignore. Il croit que le réel c'est ça, et puis c'est ça de façon définitive. Donc un peu comme Harpagon, il voudrait l'enfermer dans une cassette et ne plus le toucher. Évidemment, la science dit tout le contraire, parce que le réel c'est précisément ce qu'on n'obtient jamais, enfin c'est ce qu'on obtiendra peut-être à l'infini, enfin de la progression du savoir. Donc Bachelard a quand même une espèce d'idée du progrès scientifique, ce qui est pas le cas chez Foucault. Mais Foucault n'a gardé que la rupture, il a pas gardé les invariants, il a pas gardé la totalisation progressive du savoir, ou ce passage du local au global qui caractérise les théories scientifiques pour Bachelard, avec cette espèce de fonction du nom, qu'il avait pris d'ailleurs dans la géométrie non euclidienne. La géométrie non euclidienne n'est pas simplement la négation de la géométrie euclidienne, c'est une géométrie dont les opérateurs permettent d'intégrer la géométrie euclidienne comme un cas particulier. Donc c'est donc une pangéométrie, et cette espèce d'intégration du local dans le global, cette progression qui fait que ce qu'on a cru à un moment donné être la totalité du savoir devient une partie de celui-ci située dans une théorie plus importante et plus explicative, c'est une spécificité bachelardienne. Et on va y revenir dans un instant, justement, avec les premières appréhensions, notamment de la relativité générale, par Bachelard, dès 1929. Quelques trop brèves mesures du dialogue du vent et de la mer de Debussy par l'orchestre de la Suisse romande. Nous parlons de Gaston Bachelard tout au long de cette heure dans la méthode scientifique sur France Culture avec Daniel Parocchia qui est philosophe, épistémologue, professeur honoraire à l'université Le Lyon 3 qui est en duplex avec nous depuis Lyon et avec Michel Bidbol qui est chercheur en philosophie des sciences, directeur de recherche CNRS aux archives Husserl de l'école normale supérieure. Un mot alors rapidement parce que j'aimerais qu'on puisse arriver, il nous reste une demi-heure d'émission à peu près, mais qu'on arrive assez vite tout de même à la formation d'esprit scientifique. Un mot, Daniel Parocchia, sur la valeur inductive de la relativité que Bachelard écrit en 1929, donc deux ans après sa thèse que vous avez rééditée, préfacée récemment chez Vrin. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot de cet ouvrage ? Bien, alors c'est un livre qui a donc, comme je le disais tout à l'heure, longtemps été indisponible. Pour des raisons qui tenaient à Bachelard lui-même et à ses héritiers qui ont, je dirais, continué, enfin qui ont applaudi, enfin été dans le même sens, parce que c'est un ouvrage un peu en rupture par rapport à, je dirais, au bachelardisme canonique, si vous voulez, de la grande époque. Il y a trois Bachelard pour moi. Il y a ce premier Bachelard, je dirais, des premiers écrits jusqu'au nouvel esprit scientifique, le nouvel esprit scientifique non compris. Ensuite, il y a le Bachelard du nouvel esprit scientifique, la formation de l'esprit scientifique et des textes de cette époque-là, hein, la philosophie du nom, le rationalisme appliqué, jusqu'au matérialisme rationnel. Ça, c'est dans toute cette époque, si vous voulez, entre 34 et 53, il y a tout ce qu'on a dit jusque-là, c'est-à-dire cette réflexion sur l'alliance spécifique de la théorie et de l'expérience. Et puis, il y a le troisième Bachelard dont on parlera pas, qui est le Bachelard, je dirais, qui réfléchit sur l'imaginaire. Enfin, bon, ça commence déjà dans cette deuxième période, mais enfin, ça sera le dernier Bachelard. Bon, mais il y a une différence entre le premier et le second, parce que je dirais que jusqu'en 1934, et en particulier, alors dans ce livre, La valeur inductive de la relativité, Bachelard insiste quand même beaucoup sur la mathématisation de l'expérience, au dépens quand même de l'expérience elle-même, puisque dans cet ouvrage, et c'est l'une des dernières phrases d'ailleurs de la valeur inductive de la relativité, c'est une phrase tout à fait symptomatique, hein, qui dit ceci: l'expérience n'a plus pour rôle que de mesurer nos actes déployés, et les divergences qu'elle peut déceler ne sauraient entamer le cristal de nos gestes pure et coordonnée, livrée a priori par notre volonté. Au niveau de cet ouvrage, si vous voulez, il a fait une réflexion, et d'ailleurs assez intense, et qui a nécessité sans doute de sa part un gros travail, sur le cœur de la théorie de la relativité, et en particulier sur le calcul tensoriel, qui en est vraiment le centre. Et ça a été le point de départ, je crois, de cette thèse dont on a parlé, qui est cette idée que, grâce à certains opérateurs des théories scientifiques modernes, on peut généraliser, amplifier, induire, alors en ce sens, si vous voulez, du local au global. Mais cette induction est évidemment sur le plan, à situer sur un plan réflexif, épistémologique. Bachelard n'a jamais pensé, ni comme Stuart Mill, ni même comme Carnap, que l'induction pouvait être une méthode expérimentale valable en physique. Au contraire, il a dit le contraire dans Le Nouvel Esprit Scientifique. En revanche, l'idée qu'on puisse passer, encore une fois, d'une théorie locale à une théorie plus amplifiante grâce à certains opérateurs, Et c'est le cas, par exemple, dans le cadre du calcul tensoriel, quand on passe d'une dérivée ordinaire à une dérivée covariante, par exemple, ou bien quand on fait l'opération inverse de la contraction d'un tenseur, on a une généralisation qui se produit et qui situe, au fond, le réel au sein d'un possible organisé mathématiquement. Voilà. Et ça, je crois que il a mis le doigt ici sur quelque chose de très important. D'abord, c'est le premier, à mon avis, philosophe à rentrer dans des détails techniques aussi importants. Il suit d'ailleurs pas à pas dans tout ce livre un manuel de l'époque qui était réputé, fait par Becquerel et qui lui sert de guide. Et ça veut dire qu'il lit, si vous voulez, les ouvrages que les scientifiques lisent à cette époque. Et je crois qu'il est à peu près le seul à le faire, parce que je ne pense pas que Meyerson, dans la déduction relativiste, soit rentré aussi profondément dans la théorie de la relativité, qui est noyée dans un certain nombre de considérations philosophiques assez touffues et qui ne vont pas, à mon avis, au cœur des choses. Et je regrette que Einstein n'est pas connu la valeur inductive de la relativité plutôt que la déduction relativiste. Enfin, c'est comme ça. Je vais me retourner vers Michel Bibol pour avancer un peu, parce que l'heure tourne, et notamment pour aborder le début de cette notion d'obstacle épistémologique qui va être développée dans le Bachelar deuxième période, comme vous venez de le définir, Daniel Parocchia, et notamment autour de cette idée passionnante dans son appréhension de la mécanique quantique, c'est de dire qu'il faut en finir avec ce concept d'entité, que ce concept d'entité justement est un obstacle à notre compréhension de la mécanique quantique. Michel Bibol. Oui, vous avez tout à fait raison. Alors, je vais peut-être commencer par vous lire un petit passage de Bachelard qui me semble très représentatif, justement sur la connexion entre sa notion d'obstacle épistémologique et sa compréhension des concepts, en particulier de particules élémentaires, en physique quantique. Bachelard dit ceci: « Quand il se présente à la culture scientifique, l'esprit n'est jamais jeune. Il est même très vieux, car il a l'âge de ses préjugés. Accéder à la science, c'est spirituellement rajeunir, c'est accepter une mutation brusque qui doit contredire un passé. » Et là, on comprend que pour Bachelard, la notion de particule élémentaire n'est pas quelque chose qu'il faille reprendre en quelque sorte des pensées anciennes, à la fois les pensées de la vie ordinaire, les pensées du sens commun et les pensées de la science classique. Mais il faut la reconstruire entièrement en redevenant jeune, c'est-à-dire en reconstruisant le concept à partir de quelque chose qui est encore informe, que nous ne connaissons pas ou que nous connaissons mal. Donc revenir en deçà de toutes les connaissances que nous avons acquises. Et ça me rappelle également un autre chercheur qui était assez contemporain de Bachelard, qui est Jean Piaget. Jean Piaget dit que pour comprendre la physique quantique, il faut véritablement s'astreindre à titre d'idéal ce qu'il appelle un retour au primitif. Une sorte de table rase de toutes les idées reçues antérieurement sur ce qu'il y a dans le monde, sur ce qu'on appelle le mobilier ontologique du monde. À partir de là, que voit-on ? Donc, on n'a plus l'idée, si vous voulez, préconçue selon laquelle, voilà, ici il y a des tables et des chaises qui sont des objets bel et bien solides, et que à l'intérieur de ces tables et des chaises, il y a encore des objets plus petits, mais toujours du même type, solides également, avec des propriétés, etc. Mais ces objets-là, les nouveaux objets qu'on essaye de trouver par l'analyse de ces grands objets, c'est-à-dire les atomes, les particules élémentaires, ces nouveaux objets, on veut véritablement se demander si nous avons suffisamment d'éléments pour y croire. Et ce n'est pas le cas. C'est ça qui est extraordinaire. Je vais vous répondre par une autre citation de Bachelard, c'est dans Noumen et Microphysique, voilà. Qui date de 31 ou de 32, je parle sous votre contrôle, Daniel Parocchia. Bachelard écrit, finalement, comme ces phénomènes ambigus ne désignent jamais nos choses, hein, il parle précisément de ces particules élémentaires, c'est un problème d'une grande portée philosophique de se demander s'ils désignent des choses, d'où un bouleversement total des principes réalistes de la syntaxe de l'infiniment petit. Dans cette syntaxe, le substantif est désormais trop mal défini pour régner sur la phrase. Exactement. La substance, selon Kant, et selon toute une tradition philosophique, c'est le permanent dans le changement. C'est ce qui porte les propriétés, mais qui, lui, ne change pas. Et donc, bien entendu, il faut à la fois lui conférer une individualité, une stabilité, une permanence, et pour cela, si vous voulez, le critère expérimental, c'est la capacité de réidentifier quelque chose, de dire « ceci est bien la même particule que cela ». Or, en physique quantique, en physique microscopique, on n'a pas les moyens de faire ça. L'expérimentation en physique quantique ne permet pas, en général, de réidentifier une particule. S'il n'y a pas de réidentification, il n'y a pas non plus d'entité. Il n'y a pas d'entité permanente. Et donc, finalement, l'objet scientifique qu'on a voulu nommer par un substantif a disparu en tant que substance. C'est complètement frappant. Et c'est par ailleurs, Daniel Parocchia, la fin du principe de non-contradiction, la fin du tiers exclu, c'est vraiment la fin de la... finalement, c'est ce que nous dit Bachelard en quelque sorte. Alors je vais le résumer à grands traits, je vous laisserai évidemment me contredire ou préciser mes propos avec vos propres termes, mais Bachelard nous dit que nous ne sommes plus équipés individuellement pour comprendre la science, qu'il faut en permanence, nous en tant qu'apprenants, en tant qu'élèves, mais également les chercheurs, lutter en permanence contre nous-mêmes, contre notre propre cerveau, contre l'opinion en général, bref, que c'est un travail de déconstruction générale. Oui, alors, le substantialisme, c'est vrai que c'est une philosophie morte pour lui, déjà à travers l'évolution de la chimie moderne. Hein, parce que l'un de ses premiers ouvrages a été consacré au pluralisme cohérent de la chimie moderne. C'est un livre qui date de 1929, c'est ça, même chose que la valeur inductive de la relativité. Et il reviendra sur la chimie dans Le matérialisme rationnel, qui est son dernier ouvrage épistémologique. Dans ces ouvrages-là, il montre que déjà en chimie, pour identifier un corps, il faut regarder comment il se combine avec un autre. Et l'un de ces thèmes majeurs a été de montrer que la science était une science d'effets, et que effet Compton en physique, effet Stark, etc. Donc, s'il y a des effets, il y a des causes, et donc le corps, il n'est pas simplement substance, ou il est très peu substance, il est surtout cause. D'ailleurs, corps est un corps ou corpuscule sont des mots qui conviennent pas, puisque en ce qui concerne les particules élémentaires, il y a une dualité onde-particule, onde-corpuscule qui fait que au fond on a une entité complexe mais qui ne se réduit pas donc à une entité ponctuelle. Et d'ailleurs dans les intuitions atomistiques, donc l'ouvrage que Bachelard a consacré à l'atomisme antique, il montre très bien comment l'atomisme moderne n'est pas du tout dans le prolongement de cet atomisme antique, enfin que il faut complètement réviser notre façon de penser, comme vous l'avez dit. Alors, est-ce qu'il y a une nouvelle logique? Ça, c'est quelque chose qui est resté pour lui assez optatif, parce que il n'était pas très logicien, et les idées qu'il a pu formuler à partir de Korzybski ou de des réflexions qui étaient menées sur des généralisations de la logique à l'époque sont restées, je dirais, peu convaincantes. En revanche, il est certain qu'il a montré comment la l'architectonique kantienne, avec ses catégories, devait être réformée. Et la notion de substance, par exemple, en effet, doit être abandonnée. Il préfère des néologismes comme la notion d'extance ou de surstance, hein. C'est quelque chose qui se tient quelque part, mais qui est, je dirais, perpétuellement hors d'elle-même, d'une certaine façon, ou occupée à causer d'autres choses à l'extérieur. Et de la même façon, du côté des catégories de la relation ou de la modalité, il a montré que là aussi, il y avait des évolutions à concevoir. Et il a entamé, de manière peut-être plus intuitive d'ailleurs que systématique, une certaine réforme du kantisme, ce qu'il a appelé un kantisme ouvert, un non-kantisme au sens de la généralisation donc que porte le mot non pour lui, un kantisme fonctionnel dont il parlait, comme il l'appelait parfois, qui est supposé donc ouvrir les catégories l'entendement kantien, les rendre plus souples pour qu'elles puissent s'adapter à ce que devient l'expérience dans la science moderne. J'aimerais vous soumettre à l'un et à l'autre un extrait de la formation de l'esprit scientifique pour justement peut-être faire le lien entre cette notion d'obstacle épistémologique et cette notion de discontinuité, de rupture qui va être très importante dans cette partie de l'épistémologie bachelardienne. Voici cet extrait. Quand on cherche les conditions psychologiques des progrès de la science, on arrive bientôt à cette conviction que c'est en termes d'obstacles qu'il faut poser le problème de la connaissance scientifique. Et il ne s'agit pas de considérer des obstacles externes, comme la complexité et la fugacité des phénomènes, ni d'incriminer la faiblesse des sens et de l'esprit humain. C'est dans l'acte même de connaître intimement qu'apparaissent, par une sorte de nécessité fonctionnelle, des lenteurs et des troubles. C'est là que nous montrerons des causes de stagnation et même de régression. C'est là que nous décèlerons des causes d'inertie que nous appellerons des obstacles épistémologiques. La connaissance du réel est une lumière qui projette toujours quelque part des ombres. Elle n'est jamais immédiate et pleine. Les révélations du réel sont toujours récurrentes. Le réel n'est jamais ce qu'on pourrait croire, mais il est toujours ce qu'on aurait dû penser. La pensée empirique est claire, après coup, quand l'appareil des raisons a été mis au point. Peut-être, Michel Bitbol, un petit commentaire de texte, comme ça, au débeauté. Oui, c'est un très beau texte, c'est certain. Là, j'entends aussi le pédagogue Gaston Bachelard. Mmh. Vous savez que Gaston Bachelard avait une conception de la pédagogie qui avait trait à la morale. C'est-à-dire que pour lui, l'enseignement d'une science, l'enseignement des sciences en général, l'enseignement des mathématiques en particulier, avait une valeur éthique par elle-même. C'est-à-dire que c'est pas qu'elle débouchait, bien sûr, sur une éthique, mais c'est qu'elle-même avait un besoin d'éthique. Quelle est cette éthique? Bachelard le dit très bien. C'est-à-dire, ce qu'il faut, c'est absolument se déprendre de notre subjectivité, de notre étroitesse, et véritablement déboucher sur quelque chose qui peut être collectivement utile, sur ce qui peut être également collectivement reconnu comme valide. Et c'est ça la vérité scientifique, c'est ce qui peut être reconnu par tous comme valide, indépendamment de mon jugement personnel. Mais ce que dit aussi Bachelard à travers le texte que vous avez lu, en tout cas c'est comme ça que je l'entends, c'est qu'il ne faut pas seulement se déprendre de la subjectivité très particulière de l'individu que nous sommes, mais il faut aussi se déprendre de la subjectivité de notre héritage culturel, de nos préjugés, de la doxa, de l'opinion. De l'opinion. Exactement. Et pour cela, il va falloir faire un travail encore plus important en classe, devant les élèves, comme sans doute le savait très bien Bachelard. Il va falloir non seulement leur désapprendre la centration extrême sur eux-mêmes, sur leur goût, etc., mais aussi la centration sur quelque chose que apparemment beaucoup d'autres partagent, c'est-à-dire finalement une idée reçue. Surmonter l'idée reçue, c'est le stade ultime de l'opération qui consiste à surmonter la subjectivité pour atteindre non pas l'objectivité en un sens extrêmement abstrait, mais une véritable intersubjectivité, une intersubjectivité universelle. Et je pense que c'est ça dont rêvait Bachelard. Et ça, cette intersubjectivité universelle ne s'obtient qu'avec un effort, avec une tentative justement de surmonter l'obstacle que constitue notre particularisme, qu'il soit individuel ou social. Daniel Parocchia. Oui, pour Bachelard, bon, l'homme est rationnel, mais il n'est pas complètement rationnel, donc il a de l'irrationnel en lui, il porte un inconscient. Bon, alors, il y a de la vérité dans les sciences, mais souvent la vérité passe, mais les erreurs restent. Et il y a donc pour lui des invariants d'erreurs en quelque sorte. Alors dans la formation de l'esprit scientifique, donc il va étudier donc ces obstacles épistémologiques qui sont des contre-pensées, donc des pensées bloquantes qui entravent le développement de la connaissance scientifique. Et comme il partage l'évolution de l'esprit scientifique en trois. Hein. C'est un peu comme chez Auguste Comte, mais c'est un peu décalé. Hein. Chez Auguste Comte, c'était l'état théologique, l'état métaphysique, l'état positif. Chez Bachelard, on a un état pré-scientifique de la connaissance, un état scientifique, et puis l'état du nouvel esprit scientifique, donc qui correspond à ce qui se passe au XXe siècle. Alors, il range les obstacles épistémologiques un peu selon les états, et malheureusement, les obstacles qu'il étudie appartiennent pour la plupart à l'état pré-scientifique, parce que c'était plus facile de les repérer, et puis il y en a de nombreux, et puis ils sont même souvent amusants. Donc, ce qu'il appelle l'expérience première, hein, c'est l'expérience qui est aveuglante, dans laquelle on s'enlise. Enfin, la connaissance générale, c'est aussi un obstacle, c'est-à-dire quand on dit « tous les corps tombent ». Ça a l'air d'être vrai, mais en réalité, c'est une phrase très vague. Si on dit tous les corps tombent dans le vide à la même vitesse, c'est déjà beaucoup plus précis. Mais très souvent, et très longtemps d'ailleurs, la connaissance s'est bornée à une connaissance générale. On a aussi le langage qui crée des obstacles, parce que surtout dans nos langues indo-européennes, avec un sujet, un verbe, un complément, on a tendance à substantialiser les choses. Si je dis le vent souffle, évidemment, un enfant a tendance à croire qu'il y a une entité qui s'appelle le vent et puis qui souffle. Bon, il faudra évidemment beaucoup de savoir scientifique pour comprendre qu'il y a une différence entre des hautes pressions, des basses pressions, etc. Ou plus haut, une machine thermodynamique avec une source chaude, une source froide. Enfin, ça suppose beaucoup d'avancées. Mais la connaissance unitaire des grands systèmes classiques, ça a été aussi une paralysie, une cause de paralysie. Le substantialisme dont on a parlé, le réalisme, l'obstacle animiste, hein, l'idée que si les objets bougent, c'est parce qu'ils sont animés. S'ils sont animés, c'est parce qu'ils ont une âme. Ça a été longtemps une cause de paralysie. Et si vous essayez d'enseigner à un enfant, dit Bachelard, dans la formation de l'esprit scientifique, le fameux principe d'Archimède, hein, tout corps plongé dans un liquide reçoit une poussée de bas en haut égale au poids du volume du liquide déplacé, ben vous avez des problèmes, parce que pour un esprit naïf, un corps qui flotte, c'est d'abord un corps qui nage. Parce que c'est l'expérience qu'on a quand on rentre dans l'eau. Bon, si on nage pas, si on se maintient pas à la surface, on coule. Ensuite, si on appuie sur le corps, on a l'impression qu'on a une résistance. Mais évidemment, c'est pas la résistance du corps, c'est la résistance de l'eau. Donc, il faut vaincre tout ça pour arriver au principe. Qui est d'ailleurs un principe qui reste dans la science, hein, qui va rester dans la science et qui non seulement s'appliquera au liquide, mais qui ensuite pourra s'appliquer au gaz. Et ce seront les mots de la fin, malheureusement, Daniel Parocchia, puisqu'on arrive au bout de cette émission. Merci beaucoup. Il y en aura d'autres. Hein. On n'a pas assez d'une heure pour évoquer l'apport théorique épistémologique de Gaston Bachelard. On y reviendra dans une prochaine émission. Je vous renvoie, hein, une fois de plus, à la série d'émissions qu'avait déjà consacrée Adèle Von Rett à l'œuvre de Gaston Bachelard. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux d'être venus en parler à ce micro. Merci beaucoup, Michel Bitbol. Merci, Daniel Parocchia. Hein. Je peux faire référence à la valeur inductive de la relativité de Bachelard, dont vous avez signé la préface place, c'est chez Vrin. Et puis je vous en parlais hier, je vous le redis aujourd'hui, le premier forum France Culture, l'année vue par les savoirs, ce sera le samedi 12 janvier. Nous allons parler de la façon dont on peut vivre, non pas pré-bouleversement climatique, mais post-bouleversement climatique, comment la science nous prépare à vivre dans un monde à plus de degrés. Vous pouvez vous inscrire, on va vous remettre le lien sur le fil Twitter de l'émission, vous pouvez vous inscrire pour venir participer, c'est gratuit, mais il faut vous inscrire sur les sites franceculture.fr ou maisondelaradio.fr. Donc samedi 12 janvier, une journée complète avec Emmanuel Laurentin, Adèle Von Rett, moi-même, bref, une journée complète de forum savoir France Culture. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, c'était Aminel Mansari à la technique aujourd'hui. Demain, on reprend le fil de nos vendredis consacrés à l'actualité des sciences et de la recherche. Il sera question de la face cachée de la Lune, de clonage de cerveau de Néandertal, de liens entre activité lunaire et activité volcanique, de consanguinité chez les gorilles et de troubles de mémoire liés à l'alcool. Voilà, rendez-vous demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.